Chapitre 1er. Vous avez sans doute rencontré au Balwayer David Stewart de Dunleth et Dard Lockie. Sa femme, du moins, une des étoiles de notre beau monde, Lady Margaret Stewart, a comme dans nos salons sa place dans votre mémoire. Rarement, en effet, beauté plus sereine, plus radieuse, vivacité plus souriante, naturel plus riche et plus heureux, exprimer au même degré la paix d'une conscience que rien n'a jamais troublée, la sécurité d'une âme parfaitement pure. David Stewart, lui, porte sur sa figure, belle encore et remarquable à plus d'un titre, l'empreinte de quelques soucis et de quelques fatigues. Pour quiconque sait par quelles épreuves et quelles expiations sa jeunesse a passé, vous les connaîtrez tout à l'heure, ses rides et cette pâleur précoce n'ont rien qui surprenne, et nul ne s'aviserait d'y chercher la trace d'un remords. Au fait, pourquoi cet homme l'éprouverait-il ? Arrivé à la considération et à la fortune, après avoir longtemps désespéré de recouvrer son honneur perdu et les domaines de sa famille passés en des mains étrangères, il jouit pleinement du lot inespéré que le sort lui a fait échoir en lui donnant une femme excellente, des enfants charmants, leur portrait en miniature par Thornburn furent une des merveilles de la dernière exhibition, et une existence de tout point enviable, celle d'un riche propriétaire anglais. Cependant, à bien prendre les choses, ces deux êtres d'élite, Lady Margaret Stewart et son époux bien-aimé, auraient à se demander compte d'une sorte d'homicide, plus commun qu'on ne pense. Ils ont tué, bel et bien tué, à leur insu cela va sans dire, une de ces créatures de Dieu, qu'il met ici-bas pour donner l'idée la plus complète, la conception la plus exacte, de ce que doivent être les anges du ciel. Peut-être est-il fort contraire aux lois du récit, de révéler par avance le dénouement qu'il faut faire espérer, et de renoncer ainsi au bénéfice de ces péripéties que nos romanciers modernes savent ménager et varier avec tant de talent. Mais peu importe, qu'on sache d'ores et déjà quelle mort et quel mariage se trouvent au bout de ce récit. Les âmes auxquelles on le destine ne lui en trouveront pas un moindre intérêt pour si peu. On espère du moins que chez les plus blasés en manière d'intrigue et d'imbroglio, il est resté un inépuisable fond de sympathie pour les douleurs cachées, les crises de la vie intérieure, les drames qui se nouent et se dénouent à petit bruit, dans le secret du foyer domestique, devant le muet auditoire des portraits de famille. Et donc quelque vieux serviteur a peut-être seul entrevu l'exposition, le nœud, la scène finale, témoin craintif, discret, inintelligent d'ailleurs, qui n'a compris qu'à moitié, qui ne dira rien, qui pourra à peine ajouter un mot de vérité au mensonge d'une fastueuse épitaphe. Il s'en gardera bien. D'ailleurs, son courage n'ira qu'à renouveler de temps en temps les bouquets fanés, les couronnes flétries. Son imagination ne s'haussera certainement pas jusqu'à leur comparer la pauvre morte qui dort sous la pierre, et à laquelle il rend ce lointain, ce discret hommage. Eleanor Raymond, c'est d'elle qu'il va être surtout question, était la fille du général Sir John Raymond, qui a longtemps commandé dans l'Inde, où il mourut, loin de sa femme et de son unique enfant. Il laissait à celle-ci une fortune considérable, et sur cette fortune il avait noblement prélevé 10 000 livres sterling, 250 000 francs, pour doter un fils que Lady Raymond avait eu d'un premier mariage. Ce fils, Godfrey Marsden, était déjà lieutenant de vaisseau lorsque cette libéralité inespérée lui permit d'épouser une sienne cousine, insignifiante et docile personne, façonnée de bonheur à respecter le caractère altier, la rectitude rigoureuse, l'inflexible et grondeuse équité du maître qu'elle se donnait. La nouvelle de la mort de Sir John Raymond et le testament où il avait consigné ses volontés dernières furent apportées en Angleterre par David Stewart, que le général avait eu pour secrétaire pendant les dernières années de sa vie et qu'il avait institué le tuteur de sa fille. Au témoignage de tous ceux qui l'ont alors connu, David était un jeune homme comme on en voit fort peu, plein d'abandon et de grâce dans la causerie familière, et réservant pour sa conduite cette précaution extrême qui fait le fond du caractère écossais. Fils d'un père sottement et follement prodigue, il avait vu fondre sous ses yeux l'héritage qu'il était en droit d'espérer. La gêne remplaçait l'aisance, la ruine succédait à la gêne. Puis enfin, un beau jour, il avait dû, accompagnant son excellente et digne mère, quitter la terre qu'elle avait apportée en dot, Dunleth, le paradis où s'était écoulée l'enfance de David. Ce coin de terre adoré fut acheté par l'agent d'affaires qui, depuis 20 ans, était chargé d'en administrer la gestion et d'en percevoir les revenus. Avec le penchant naturel à sa race, le jeune Stuart emporta sous d'autres cieux l'image richement colorée de ce domaine alpestre, que ceux de la Suisse devaient lui rappeler plus tard, de son lac bleu bordé de noirs épicéas, de ses grandes roches grises revêtues de mousse aux mille couleurs, de ses glaines profonds, de ses ravines nombreuses hérissées de larix argentés, de ses marais enchâssés dans leur débruyère, de ses colonnes au long profil empourpré par l'automne, et dont les cimes aigus, dont les flancs bosselés, arrêtaient au passage les flocons déchirés de la nuit errante. L'Écossais, rêveur comme le Suisse du reste et le montagnard pyrénéen, laisse en la quittant la moitié de son âme à sa terre natale, et l'influence nostalgique du Hans des Vaches n'a rien de mieux constaté que celle des adieux à l'Oraber, sévèrement interdit en Amérique aux musiques militaires des régiments recrutés dans les Highlands. Peu de gens, au surplus, furent appelés par David à recevoir la confidence de ses regrets. Sa mère, femme énergique et patiente, lui avait transmis, en lui donnant sur le monde et la vie les idées les plus rigoureusement exactes, le sentiment de cette réserve austère qui est, chez les hommes, l'équivalent de la pudeur féminine et qui constitue la dignité du caractère. Après la mort de Mrs. Stuart, qui le laissait orphelin, car son père n'avait pas survécu longtemps à la ruine dont il était l'auteur, l'intrépide jeune homme emporta peut-être dans l'Inde, où il allait chercher fortune, la pensée que, comme Lord Clive, il pourrait quelque jour acheter, de l'or conquis par ses rues de travaux, le domaine patrimonial. Mais son bienfaiteur lui-même ignora le vrai mobile de l'activité sans relâche avec laquelle il espérait dompter la fortune rebelle. C'était une passion contenue, un amour caché, plus précieux par cela même, et d'autant plus exalté qu'il s'épanchait moins au dehors, passion redoutable d'ailleurs, et féconde en péril, dont n'a pas conscience celui-là même qu'il devrait le plus effrayer. Tel était l'homme à qui Sir John Raymond abandonna sans réserve l'éducation et la fortune d'Eleanor. Rien ne parut plus justifié que cette confiance, et sous l'œil jaloux de sa mère, la jeune fille, dirigée par une main tout à la fois ferme et douce, atteignit l'âge où se décide le sort des femmes. Une piété solide, des notions morales soigneusement adaptées au rôle qu'elle devait remplir, la désignait pour le moins autant que sa richesse et sa beauté délicate à l'empressement des jeunes gens à marier. Aussi, lorsqu'elle se produisit dans le monde, chaperonnée, non par sa mère déjà malade, mais par Lady Margaret Fordyce, une des femmes les plus à la mode, les prétendants s'offrirent en foule. Aucun ne fut agréé. Aucun, il est vrai, n'avait été présenté par David Stuart, dont l'influence souveraine sur l'esprit de sa pupille inquiétait singulièrement Godfrey Marsden, le vertueux, le rigide Godfrey, volontiers hostile au tuteur choisi pour sa demi-sœur par le second mari de sa mère. Jamais ces deux jeunes gens, que tant de circonstances semblaient rapprocher, n'avaient pu vivre en parfaite intelligence. La sévérité soupçonneuse de l'un ne convenait pas à la fierté de l'autre et à son ferme dessein de remplir, comme il la comprenait, la mission qu'il avait acceptée. Avec un peu d'adresse et quelques procédés obligeants, peut-être le frère d'Eleanor eut-il obtenu plus d'influence et un contrôle plus fréquent sur les actes de la tutelle confiée à David. Mais, par des brusqueries déplacées, par d'irritantes méfiances, il avait pour ainsi dire contraint l'orgueilleux Écossais à se retrancher dans la position légale que lui laissaient les termes du testament de Sir John Raymond. Il ne faudrait pas croire qu'il obéit en ceci à d'ignominieux calculs. Le choc des caractères avait tout fait. Sans autorité sous David Stuart, Godfrey n'avait pas la confiance d'Eleanor. Ses âpres conseils, ses réprimandes à contresens, effarouchaient cette jeune âme, expansive et douce, pénétrée déjà, et depuis qu'elle avait cessé de s'ignorer, par une de ces affections immenses dont nous vivons, nous autres femmes, et qui, détruites ou refoulées, peuvent nous tuer. Instruite par David au saint devoir de la charité, initiée par lui à l'intelligence du beau moral, de la grandeur intellectuelle, habituée à lui soumettre ses jugements, à n'avoir que lui pour guide dans le dédale de ses premières pensées, de ses impressions premières, Eleanor aimait son tuteur. Elle aimait en lui non pas seulement cette beauté virile et cet esprit cultivé qui lui assurait facilement des succès de salon, mais surtout et avant tout ce qu'il avait de plus réellement aimable, la grâce d'une infortune noblement portée, l'éclat d'une intelligence à la fois poétique et positive, la séduction irrésistible de quelques rares moments d'abandon dont elle avait en quelque sorte le monopole et auquel la réserve habituelle de son jeune tuteur donnait toute la valeur d'un hommage exclusif. Elle l'aimait du reste comme on aime souvent à 16 ans, sans trop prendre souci de cette passion naissante et sans interroger l'avenir, sans demander même au présent des réponses précises, s'abandonnant au charme, obéissant au destin, ne doutant guère qu'il n'intervienne à propos, leur venue, et n'achève ce qu'on croit décrété par lui. Vers cette époque, c'est-à-dire avant que rien fût encore survenu qui pût fixer ses vagues entraînements et les révéler à Éléanore elle-même, son tuteur la quitta pour un voyage de quelques semaines. Bientôt après, elle reçut de lui une lettre qui l'encouragea à reprendre seul le cours des études qu'ils faisaient en commun, lui annonçait que leur séparation durerait quelque temps encore. La banalité affectueuse de cette lettre, la première qu'elle eut reçue de David Stewart, étonna et froissa le cœur d'Éléanore. Sans bien se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, il lui sembla que d'autres mots, plus sentis, auraient dû exprimer un regret plus vrai de cette absence prolongée. Elle pleura sur le chiffon de vélin qui venait, comme porté par un souffle glacial, heurter les tiges frêles de ses illusions en fleurs. Et pourtant, ce chiffon mouillé de larmes alla prendre place dans une petite cassette de bois de sandales, à côté de 20 autres insignifiants écrits tracés par la même main, lus, relus chaque jour par les mêmes beaux yeux, souvent humides. Quelques mois s'écoulèrent. David revint. Éléanore, se jetant sur son cœur, le sentit tressaillir et crut discerner dans sa voix, toujours affectueuse, un tremblement inaccoutumé. Il semblait harassé. Sa pâleur était extrême. Il se remit pourtant, et Godfrey Marsden avait les yeux sur lui. Godfrey, devenu presque odieux à sa jeune sœur par la façon âpre et sèche dont il parlait, en toute occasion, de cet étranger introduit au sein de la famille avec une autorité si grande, une si effrayante responsabilité. Peu de jours après, le tuteur et la pupille, à la fin d'une longue promenade, étaient assis sur le bord d'une jolie rivière, la Lynn au flot écumeux. La pureté de l'air et du ciel rayonnant et bleu sur leur tête ombragée, la durée de leur vagabonde causerie, tout, jusqu'à leur commune lassitude, jusqu'au bien-être du repos qu'ils goûtaient ensemble, provoquait les épanchements et la confiance. Éléanore, poussée par un irrésistible élan, se prit à penser tout haut. « Quand j'aurai la pleine possession de ma fortune, » demanda-t-elle à David, stupéfait, « n'en toucherai-je que les revenus annuels? Serais-je libre d'employer à mon gré telle ou telle somme, si considérable qu'elle puisse être ?» Un sourire forcé contracta les traits de son tuteur, obligé de répondre à cette question si peu prévue. « Et de quoi s'agit-il, mon enfant ?» lui demanda-t-il à son tour. « Voulez-vous donc bâtir un palais italien ou quelque église gothique, d'après les dessins que je vois crayonner chaque jour ?» Puis il broda sur ce thème des plaisanteries qu'Éléanore écoutait, rêveuse, et tout à coup, « Voyons, lui dit-elle, dites-moi ce que coûterait Dunleth. » À ces mots, David Stewart se tourna brusquement vers elle, répétant avec un accent presque irrité les paroles qui venaient de frapper ses oreilles. « Dunleth, qui était à vendre il y a quelques mois, ne l'est plus que je sache, » ajouta-t-il ensuite. « Mais pourquoi donc, Éléanore, vous complaire à me torturer ainsi ?» C'était la première fois qu'il parlait de la sorte, sur un ton de reproche acerbe, à sa douce pupille. Elle leva sur lui des yeux étonnés. « J'étais bien loin de vouloir vous offenser, » dit-elle avec une tristesse indicible. David, comprimant les pensées qu'il venait de trahir dans un premier moment d'angoisse, prit et baisa la main de son élève. « Pardonnez-moi, ma santé n'est pas bonne et mon caractère s'en ressent. En supposant même que je ne mérite pas votre indulgence, eh bien, alors même, pardonnez-moi. » Éléanore eut excusé chez son tuteur de bien autres torts. Un seul lui semblait presque impardonnable, c'était le charme qu'il paraissait trouver à la conversation brillante de Lady Margaret Fordyce, l'attention émue qu'il prêtait à ses chants, lorsque, sollicitée par lui, elle se mettait au piano, l'extrême déférence qu'il accordait à ses moindres fantaisies. Elle étudia avec une surprise qui ressemblait à de la jalousie, ces symptômes d'une affection que ne justifiaient pas complètement à ses yeux les relations établies dès leur enfance, entre son tuteur et Lady Margaret, autrefois voisins de campagne. Elle s'inquiétait de trouver tant de différence entre l'affectueux dévouement que David Stewart lui témoignait, à elle, en toute occasion, et l'empressement, le désir de plaire empreint dans ses moindres paroles, dans ses gestes les plus insignifiants, lorsqu'il était en présence de l'aimable veuve. Celle-ci d'ailleurs semblait accepter avec reconnaissance ses hommages flatteurs, et lorsque Godfrey Marsden, en l'absence du jeune tuteur, l'attaquait avec sa sévérité accoutumée, Éléanore n'était plus seule à le défendre, à justifier sa conduite, à reconnaître hautement les obligations que son zèle et son désintéressement avaient imposées à Lady Raymond. Après tout, quand la jeune héritière, dans le secret de son naissant amour, se comparait à sa brillante rivale, elle trouvait de quoi se rassurer. Pour se consacrer à elle, David Stuart avait refusé les offres brillantes du gouverneur des Indes, qui voulait se l'attacher comme secrétaire. Plus récemment encore, le duc de Lanark, le frère de Lady Margaret, lui avait proposé la régie de ses immenses domaines avec des appointements élevés, et plutôt que de la quitter, il avait écarté cette chance de fortune. La supériorité même de celle qui semblait appelée à lui disputer le cœur de David n'était-elle pas compensée par la différence d'âge, qui, au dire de Stuart lui-même, expliquait cette supériorité? Une femme de 24 ans, encore dans tout l'éclat de sa beauté, forte de l'usage qu'elle sait en faire, éclipse aisément une enfant que ses printemps n'ont pas encore développé. Mais celle-ci a l'avenir pour gage de victoire, l'avenir que celle-là doit commencer à craindre. Éléanor, d'ailleurs, était belle. Vainement, dans les salons de Londres, où elle venait de se produire, les femmes lui reprochaient-elles de manquer de teint. Vainement, quelques connaisseurs en beauté la trouvaient-ils trop grande, et quelques danseurs de profession tant soit peu gauche. Sa pâleur, sa taille élancée, le doux incarnat de ses lèvres, les reflets de sa chevelure luxuriante, l'expression passionnée de ses magnifiques yeux bruns, ne la classaient pas moins, pour les appréciateurs délicats, parmi les types ravissants de cette élégance classique dont le mot de nymphe réveille naturellement l'idée, en rappelant à la mémoire charmée les chefs-d'œuvre de l'art grec ou romain, les bas-reliefs de l'Attique, les fresques de Pompéi. Dans une soirée à la mode, on eût dit une statue placée, immobile et blanche, parmi les massifs brillants et bariolés d'un opulent parterre. Comment Sir Stephen Perrin put être touché de cette grâce virginale, de cette beauté frêle et décolorée, c'est ce qu'il n'est pas facile de comprendre. Riche parmi les riches, on aurait pu croire qu'il voulait, comme tant d'autres prétendants à la main de Miss Raymond, unir deux dots d'égale importance, accorder deux chiffres imposants, se donner le mérite et la gloire d'une formidable addition. Rien de tout cela n'était vrai. Dans cette organisation violente, à peine domptée par une éducation d'ailleurs incomplète, la nature avait glissé, probablement par hasard, un penchant inexplicable pour ce qu'elle s'est créé de plus doux, de plus élevé, de plus angélique. Ainsi se joue-t-elle quelquefois en ses caprices, soumettant l'athlète le plus brutal au mâle ascendant de la faiblesse la plus désarmée. Sir Stephen, ce coureur de renards, ce cavalier indomptable, aux muscles de fer, au cœur de lion, se sentit pâlir certains jours où il apprit que Miss Raymond, après sa seconde saison de bal, allait retourner à la campagne. Sans même prendre le temps d'ôter ses bottes et sa redingote de chasse, il accourut à une heure indue chez le duc de Lanark, le frère de Lady Margaret Fordyce, et lui confia ses intérêts, le suppliant de parler pour lui à Miss Raymond. Il ne reçut de celle-ci qu'un ajournement assez froidement poli. M. David Stuart était à ce moment à Marseille, où quelques affaires l'avaient appelé. On devait attendre son retour et prendre ses conseils avant de rien résoudre. Ainsi fut éconduit l'amoureux baronnet. David revint peu après, plus triste et plus découragé qu'à son premier voyage. Godfrey, chargé de ce soin par Lady Raymond, lui transmit la demande de Sir Stephen. Le frère d'Eleanor, toujours soupçonneux, espérait surprendre à cette occasion les secrets sentiments du jeune tuteur pour sa riche pupille. Il avait cru deviner que David n'apprendrait pas sans un vif souci le désir, exprimé par tous les parents d'Eleanor, de l'avoir accepté un parti si convenable, si brillant. Son attente fut déçue. David admit sans peine qu'il était temps de marier Miss Raymond et qu'aucune objection sérieuse ne pouvait être élevé contre le prétendant qui s'offrait. Toutefois, il n'entendait contraindre en rien le choix de sa pupille et voulait savoir d'elle-même si les offres de Sir Stephen lui paraissaient acceptables. Ce fut avec un tremblement mal contenu, avec une angoisse secrète, mal dissimulée sous un menteur enjouement, qu'Eleanor écouta son tuteur lui vanter les avantages solides de l'alliance proposée. Trop intimidée pour lui répondre longuement et peu disposée à lui faire connaître les vrais motifs de son refus, elle prit Shakespeare pour interprète, Shakespeare que David lui lisait souvent. Ouvrant le livre à cette scène où la riche comtesse Olivia rejette les vœux du duc d'Illyri, elle lui montra du doigt le sévère, tant de fois cité « Your lord does know my mind », etc. « Ton maître me connaît ». Ainsi, lui dit-il, cet homme, vous n'aimez point? Vous ne voulez point l'épouser? Non, je ne l'aime point. Il me serait impossible de l'aimer alors même. Achevez. Alors même que je ne lui préférerais personne. » David, à ces mots, frissonna des pieds à la tête. « Vous aimez? Vous préférez quelqu'un? » s'écria-t-il, cherchant à dissimuler une vive agitation. Éléanor, plus tremblante que jamais, attendait la question qui devait suivre et qui pouvait décider de son sort. « Est-il riche ?» lui demanda les yeux à demi-clos et respirant à peine le malheureux David. Certes, ces paroles étaient inattendues. Elles ouvraient cependant une issue à l'aveu qui brûlait les lèvres de la pâle jeune fille. « Non, » répondit-elle, « il n'est guère plus que mon père ne vous a laissé. »« Votre père ?» s'écria David. « Au nom de Dieu, Éléanor ne me parlait jamais, jamais de votre père. » Et quand elle épouse un homme pauvre, cela ne saurait être. Votre mère ne saurait y consentir. Je dois, moi, m'y opposer de tout mon pouvoir. Et puis, Éléanor, dites-moi, quel est cet homme? Dites-le-moi, car en vérité ma tête se perd. Dites-le-moi, lorsqu'il en est temps encore. Je puis aujourd'hui quelque chose pour votre bonheur, ajouta-t-il d'une voix étrange. Demain, Manelli, demain peut-être, je ne serai plus là. En ce moment, David se montra à Éléanor sous un aspect tout nouveau pour elle. Il l'avait attirée vers lui comme au jour de son enfance. Comme alors, par un geste affectueux, il passait sur ses longs cheveux une main caressante. Sa voix avait des intonations d'une douceur infinie, et cependant quelque chose en lui attestait une sorte de désespoir. Ses yeux, qu'il voulait rendre suppliants, brillaient d'une flamme concentrée. Ses paroles, malgré lui brèves et convulsives, se démentaient elles-mêmes, et voulant rassurer, inspiraient la terreur. Cette terreur et la contagion du trouble poignant où elle voyait son tuteur étaient au-dessus des forces d'Éléanor. Les larges battements de ce cœur, auquel le sien tenait déjà par tant de liens, la frappaient comme autant de commotions voltaïques. Elle sentit ses genoux se dérober sous elle, et sans pouvoir prononcer le nom qui eût tout fait comprendre, elle tomba évanouie auprès de son tuteur épouvanté. Godfrey et Lady Raymond, accourus au bruit de sa chute, accablèrent David Stuart, l'un de ses reproches, l'autre de ses questions. Mais il ne leur répondit point, abîmé dans une anxiété profonde. Ce fut Éléanor, bientôt revenue à elle, qui se chargea de tout expliquer. Resté seul, David appela son domestique et donna les ordres nécessaires à un prompt départ. Le soir même, Éléanor, assise auprès de sa fenêtre, regardait vaguement les jardins endormis, les parterres mouillés de rosée. Elle vit, avec une profonde surprise, son tuteur arrêté sur la terrasse, en face d'elle, les bras croisés sur sa poitrine. Malgré les obstacles qui la dérobaient à sa vue, elle crut un moment qu'il l'avait deviné où elle était, car il leva vers elle des mains suppliantes, mais, tandis qu'elle délibérait, avec elle-même, s'il pouvait ou non répondre à ce pressant appel, David s'éloigna d'un pas rapide et disparut à l'angle du pavillon. Le lendemain, à l'heure de son réveil, on vint annoncer à Miss Raymond que David Stuart avait quitté le château. On lui remit en même temps une lettre où le malheureux, écrasé de remords et sans essayer une justification impossible, lui révélait le secret honteux de sa vie, l'odieux abus qu'il avait fait d'une confiance trop complète et trop loyale. En deux mots, David Stuart avait ruiné sa pupille. Par un concours fatal de circonstances, placé un moment entre la possibilité de racheter Dunleith et le besoin de se procurer la somme nécessaire à ce rachat, il avait cru résoudre le problème en avançant sur les fonds dont la gestion était en ses mains, comme gardien de la fortune d'Éléanor, une somme énorme à des banquiers écossais trafiquant avec l'Inde et sur le point de faillir. Cette somme devait les sauver. Une prime considérable était offerte. Les chances de l'affaire semblaient excellentes. Oubliant tous ses devoirs, cédant la tentation de toute sa vie, David s'était laissé séduire. Un double châtiment l'attendait. Dunleith, mis en vente, avait été racheté par les héritiers du propriétaire et quelques mois plus tard, les deux maisons d'Edimbourg et de Calcutta, où se trouvait la fortune d'Éléanor, avaient à la fois suspendu leur paiement. L'un des associés s'était brûlé la cervelle, l'autre s'était enfui en Amérique. Ces tristes nouvelles étaient arrivées à David en même temps qu'on lui soumettait les propositions de Sir Stephen. Dans ce naufrage universel de toutes mes idées d'avenir, dans le profond découragement où il m'avait jeté, j'espérais un moment, ajoutait la lettre en question, que ce mariage serait possible et qu'il vous rendrait en partie la situation de fortune que ma misérable folie avait compromise. J'espérais que seul je porterais la peine de mon crime et que mon déshonneur serait votre unique souffrance. Mais vous n'aimiez pas cet homme, vous en aimiez un autre. Tout est donc perdu. Quand on vous parlera de moi, quand on maudira, comme elle mérite qu'on la maudisse, ma mémoire méprisée, on vous dira sans doute, Éléanor, que cette affection dont je vous ai donné tant de preuves depuis votre enfance n'était qu'hypocrisie et mensonge, que vos souvenirs me défendent. Dites-vous bien que je vous ai toujours tendrement aimé, que chaque jour je priais Dieu de m'aider à remplir mes devoirs envers vous. c'est la vérité devant lui, chère Eleanor. » Bien évidemment, David Stuart n'avait pas soupçonné qu'il pût faire appel, dans cette suprême invocation, à un sentiment plus tendre que celui d'une longue et familière amitié, car au nombre de ses plus vifs remords, il comptait celui d'avoir enlevé à sa pupille le droit d'obéir à son cœur en épousant l'inconnue sans fortune préférée par elle à Sir Stephen. En toute humilité, sans invoquer une autorité qu'il sentait avoir perdue, il lui conseillait d'oublier ce rêve de jeunesse. Il l'engageait à ne pas rejeter les vœux du riche baronnet. Ce testament de mort annonçait que l'infortuné ne comptait pas survivre à sa honte. Effectivement, on l'avait vu au point du jour traverser le parc et marcher seul dans la direction du bureau de poste le plus voisin. Le long de sa route coulait la ligne impétueuse et sur les bords de cette rivière, accroché à un arbre dont les rameaux noircis surplombaient les eaux bouillonnantes, on trouva un mouchoir de soie en lambeaux qui fut reconnu par le vieux domestique David pour avoir appartenu à son maître. De celui-ci d'ailleurs, aucune nouvelle. Son corps ne fut pas découvert. Néanmoins, sa mort parut certaine. Eleanor ne versa point d'abondantes larmes, mais elle se relevait chaque nuit et priait pour l'homme qui l'avait ruiné. Au surplus, le secret qu'il avait ignoré, nul n'en reçut la confidence. Il resta entre elle et Dieu, seul témoin, seul consolateur de ses angoisses. Godfrey Marsden, toujours le même, toujours fidèle à ses principes de rigoureuse droiture, crut devoir restituer à la fille de Sir John Raymond les 10 000 livres que celui-ci lui avait léguées, alors qu'il supposait son unique héritière en possession d'une brillante fortune. « Ce sacrifice, dit-il à Eleanor, je le fais autant à notre mère qu'à vous, et je compte que mon exemple ne sera point perdu. Vous pouvez assurer à Lady Raymond une situation que ne lui rendrait pas la maudite fortune dont je me dessaisis à votre profit. » Eleanor écoutait sans comprendre. « Sir Stephen, Perrine, consent à vous épouser, malgré votre ruine. » Eleanor tressaillit et allait parler. « Non, ne répondez pas encore, » ajouta brusquement son frère. « Songez à la santé détruite de notre mère. Songez à sa pauvreté, qui est en partie votre ouvrage, puisque votre entêtement pour votre misérable tuteur n'a pas peu contribué à faire négliger mes conseils, justifiés aujourd'hui par l'événement. Prenez le temps de délibérer avec vous-même, et je suis certain que vous consentirez. » Marsden n'avait pas trop compté sur le dévouement de sa sœur. Il ne sut pas jusqu'à quel degré son consentement fut déterminé par les conseils tracés dans la dernière lettre de David Stuart et par les caressantes insinuations de Lady Margaret Fordyce, accourue auprès d'Eleanor dès qu'elle l'avait su aux prises avec la mauvaise fortune. Quand elle revit Godfrey, Eleanor était décidée. « J'accepte les offres de Sir Stephen, lui dit-elle, mais à une condition qui lui sera strictement imposée par vous. « Laquelle ? Il ne me parlera jamais de l'homme qui fut mon tuteur. » Cette condition surprit Sir Stephen, mais, après tout, en supposant que ses pensées s'égarassent jusque-là, que lui importait David Stuart mort ou déshonoré à jamais ? Pauvre rival à craindre dans un cœur loyal et droit comme l'était celui de sa pâle fiancée. Le mariage s'accomplit donc.